Perte d'un ami d'Henri de la Touche, enregistré pour LibriVox.org. Il est tombé le vieux pommier moussu, cédant au poids de sa charge vermeille. Dans mon verger, lui qui m'avait reçu, lui dont les fleurs apprivoisaient l'abeille. Premier ami du nouveau possesseur, il vit des pleurs qu'on verse et qu'on essuie. Du nonchaloir nous doubla la douceur, nous épargna le soleil ou la pluie. Il fut l'honneur des pommiers du hameau. L'enfant riait à ses richesses blanches. J'admis le lierre à verdir son rameau et l'émondeur à rajeunir ses branches. Il est tombé. Que deviendra l'oiseau qui de son nid lui confiait l'asile? Et le premier goûtant son fruit nouveau, toi, le loir gris, le maraudeur agile. Comme un mortel, l'arbre cachait au cœur une blessure incurable et profonde. Est-ce, ô frélon, sous votre dard moqueur que s'altéra sa colonne si ronde? Ou le pivert dont les coups obstinés avaient creusé sa vénérable écorce pour dérober sous l'abri de sa force à l'écolier ses enfants nouveau-nés? L'air et le froid se glissant dans son âme du végétal préparaient la langueur, et de la sève en éteignant la flamme, ils ont brisé sa robuste vigueur. Il est tombé dans une nuit sereine, quand l'astre pâle éclipsait ses lueurs. L'arbre fécond, sa tige souveraine, apprend la mort à mes faibles douleurs. Un demi-siècle, il fut du moins utile, si l'avenir perd ses trésors détruits. Et moi, chétif dont l'âge fut stérile, ai-je porté mon ombrage et mes fruits? Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique, en octobre 2016. Cet enregistrement fait partie du domaine public.